الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Aujourd'hui, inshallah, on entre dans le cours 24, le 24e cours. Donc, on est toujours en train d'étudier ce même livre qui est très bénéfique pour quiconque a un cœur lorsqu'il écoute et lorsqu'il apprend et qu'il prête oreille. Et dans ce livre, l'auteur nous parle de la croyance que le musulman doit avoir. La croyance que le musulman doit avoir. Et il nous l'enseigne à travers des questions et des réponses. Et c'est une manière d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wa sallam enseigne aux compagnons les bases de l'islam avec des questions. Il leur pose des questions et il attend leurs réponses. Dans beaucoup de hadiths. Notamment le hadith que nous rapporte l'imam muslim rahimahullah selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ce compagnon est celui qui récitait le mieux le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé par son surnom ou sa kunya et lui a dit: Ya Aba al-Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. O Abu al-Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah? Il a répondu: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reposé la même question: Ya Aba al-Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. O Abu al-Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah? Et à ce moment-là, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de répondre. Il a tout de suite dit: Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a frappé doucement sur la poitrine pour lui dire: Hani an laka hadha al-ilm, ya Aba al-Munzir. Félicitations à toi pour la science que tu as, ô Abu al-Munzir. Ala kulli hal, sans entrer dans les détails de ce hadith et des autres, ce que l'on peut tirer comme leçon, c'est qu'une des meilleures manières d'apprendre ou d'enseigner ou de transmettre, c'est en posant des questions, parce que ça éveille l'esprit de la personne et ça attire son attention et ça lui donne envie de répondre. C'est pour ça que le shir qui a écrit ce livre, qui s'appelle Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullahu ta'ala, nous a enseigné la croyance du musulman à travers des questions et réponses. Et en ce moment, on est en train de voir arkanul iman, c'est-à-dire les piliers sur lesquels la foi est bâtie et sans lesquels elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On est en train de voir, on a terminé le quatrième pilier, qui était Yunus, hein? La croyance au prophète. Et on a répondu à certaines questions concernant la croyance au prophète. Et maintenant, on est entré dans le cinquième, qui est Abdelaziz, la croyance au jour dernier, au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera. Et dans les cours passés, on a vu, on a vu des exemples de miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi les preuves que le Coran est immense, que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, parce qu'Allah a défié les gens qui parlent en cette langue. Alaykum salam. Allah les a pris en défi de venir ne serait-ce qu'avec une surah ou 10 surahs ou une parole semblable au Coran, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et on a vu aussi les preuves qui nous montrent l'obligation de croire au jour dernier. Et c'est par cette question qu'on est entré dans le cinquième pilier. Ensuite, on rentre aujourd'hui dans l'explication de la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui peut me donner un aperçu sur la foi au jour dernier selon lui, selon ce qu'il connaît? Que la mort va être égorgée. La mort elle-même va être égorgée. Là, c'est pas ça ma question. Ma question c'est selon ce que tu as appris, toi qui vas répondre inshallah, selon ce que tu connais ou que tu as entendu ou appris, qu'est-ce que veut dire croire au jour dernier? Le frère qui lève la main. C'est préparer ce jour-là, rencontre avec Allah. C'est pas tout ce qui va avec les actions. En fait, ça, c'est ce qu'implique croire au jour dernier. C'est-à-dire que le résultat de croire au jour dernier, c'est de faire des actions, de se préparer. Ça rentre dedans, mais c'est par implication. C'est-à-dire, ça implique. Mais le jour dernier lui-même, c'est quoi, Ibrahim? Un mot, le fait d'être barre, le fait d'être ressuscité, le fait ça, le fait d'être sanctionné, jugé, et après le jaza, la récompense, il va faire un divorce. Exactement. Et dedans, c'est en tête, c'est un. Exactement. Et nous, on a lu la question numéro 103, dans laquelle il nous définit la croyance au jour dernier. Qu'est-ce que le jour dernier? Qu'est-ce que le jour de la résurrection? Et on a lu la définition du Cheikh et on a apporté la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Alors on a dit que la croyance au jour dernier, si on voulait la résumer et si on voulait de manière courte l'expliquer, on n'a qu'une chose à dire. C'est croire à tout ce qui va se passer après la mort. D'accord ? Tout ce qui va se passer après la mort s'appelle marahil dar al-akhirah, les étapes de l'au-delà. La mort, la tombe, lorsque les deux anges vont venir questionner, lorsque celui qui est enterré va voir le paradis ou l'enfer, lorsque les gens vont être ressuscités, lorsqu'ils auront des comptes à rendre, lorsqu'ils traverseront le pont qui est placé au-dessus de l'enfer, lorsque les croyants ne pourront pas entrer au paradis tant qu'ils ne se sont pas excusés dans un pont particulier qui se trouve avant le paradis. Lorsque les croyants vont aller voir l'eau de la main du prophète Mohammed, le jugement, la rétribution, les actions qui seront pesées, tout ça c'est ce qu'on appelle les étapes de l'au-delà. Donc, croire au jour dernier, si on voulait vraiment de manière courte l'expliquer, on dit croire à tout ce qui va se passer après la mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, yarhamukallah, man mat qamat qiyamatuhu. Celui qui meurt, son qiyama, sa résurrection à lui a commencé. Maintenant, si on veut la cerner dans des points importants, on va la cerner dans trois points importants. Et de tous ces points vont découler toutes ces étapes qui ont été citées ici. Si on veut cerner dans trois points, qu'est-ce que veut dire croire au jour dernier? Ça veut dire trois choses. La première, al-iman ou bil-ba'ath. La deuxième, al-imanu bil hisab, et la troisième al-imanu bil jaza, al-janna ou an-nar. Donc le premier point, c'est la croyance en la résurrection. La croyance en la résurrection, c'est-à-dire la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter l'ensemble de ses créatures, hommes soient-ils ou femmes, enfants ou vieux, Allah subhanahu wa ta'ala va tous les ressusciter. Cette chose-là, la parole d'Allah, le Coran, a appuyé cette chose-là dans beaucoup de versets. Pourquoi? Qu'est-ce qui sait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, a appuyé l'obligation de croire au jour dernier? Pour savoir qu'après la mort, on a des comptes à rendre. Ça, c'est une chose vraie, mais c'est pas la réponse à la question. Parce que les kuffars, ils croient pas. Après la mort. Exactement. Parce que une des particularités du peuple de Quraysh, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas au fait qu'Allah Azza wa Jal puisse les faire sortir de leur tombe et les réveiller pour les ressusciter. Ils pensaient qu'après ils allaient être poussière. Et pourtant, ce peuple croyait en Allah. Ils croyaient en Allah, ils croyaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur et qu'Allah avait tout donné. Mais cette chose-là particulièrement, ils n'y croyaient pas. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé dans de nombreux versets du Coran l'obligation de croire qu'on va être ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah que l'heure viendra, c'est-à-dire qu'on va être ressuscité. Dans trois passages du Coran, dans Surat Yunus, dans Surat At-Taghabun et dans Surat As-Saba. Et dans ces trois surahs, ou plutôt dans les trois versets qui se trouvent dans ces trois surahs, Allah à chaque fois, subhanahu wa ta'ala, ordonne au prophète Mohammed alayhi wa sallam de jurer par Allah que l'heure viendra. Et c'est la seule chose dans laquelle Allah a ordonné au prophète de jurer que cette chose arrivera. C'est la première chose dans laquelle il faut croire. Al-Iman ou bil-ba'th, ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min al-qubur. Donc, le fait de ressusciter les morts et de les faire sortir de leur tombe. Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate que vous avez entendu, wa akhrajatil ardu athqalaha. Et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux. Qui sont les fardeaux? Les hommes. Les hommes, les femmes, les créatures d'Allah qui sont enterrées. Lorsque la terre fera sortir ses fardeaux. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les gens, les morts, et qu'ils sortiront de leur tombe. Et qu'ils sortiront de leur tombe. Et c'est la première chose dans laquelle il faut croire. La deuxième chose dans laquelle il faut croire concernant la croyance au jour dernier, pourquoi Allah nous ressuscite? Pour nous juger. Et c'est la deuxième chose dans laquelle il faut croire. Al-Hisab, le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi nous a montré dans beaucoup de versets qu'on va être jugé. Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers versets de Surat Al-Qasas, les récits, إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ. C'est-à-dire, celui qui t'a légiféré ou bien ordonné de réciter, comprendre, appliquer, enseigner, mettre en pratique le Coran, te fera certes revenir vers un lieu de retour. Donc Allah dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il le fera revenir vers lui le jour du jugement dernier. Pour quelle raison? Pour le juger. Pour le juger. Allah a dit dans notre verset, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Et on établira les balances équitablement le jour de la résurrection, aucune âme ne sera lésée. Donc Allah ici nous parle des balances. Les balances sur lesquelles on pèsera les bonnes actions et les mauvaises. Et c'est le résultat du jugement. Et chaque personne sera jugée. Et le jugement, les frères, il se divise en deux. Al-Hisab se divise en deux. Al-Hisab ul-Yasir et Al-Hisab ul-Asir. Le jugement facile et le jugement difficile. Qu'est-ce qui me permet de dire une telle parole? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit... Quant à la preuve concernant... le jugement facile, Allah nous dit au sujet de ceux qui recevront leur livre dans la main droite, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à ceux qui recevront leur livre dans la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui-là sera jugé d'un jugement facile. Ah, qu'est-ce que veut dire le jugement facile? Est-ce que quelqu'un a une réponse? مَا هُوَ الْحِسَابُ الْيَسِيرُ. Hein? Là. Le jugement facile, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va rapprocher son serviteur de lui pour le juger et il va le couvrir de sorte à ce que personne d'autre que lui n'entende les défauts de son serviteur. Et cela, ça ne sera que pour le croyant. Inna Allah ta'ala yudni minhu abdahu hatta yada'a alayhi kanafah ay sitrahu. Allah va rapprocher de lui son serviteur afin de mettre autour de lui un voile par lequel il va le cacher de toute autre personne pour qu'Allah le juge en privé. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla le jugera, celui-là, celui qui aura ce jugement facile, il lui dira, Allah Azza wa Jalla lui rappellera tous les péchés qu'il a fait. À un point où cet homme va penser qu'il est voué à périr. Il est voué à la perdition. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, je te les ai couverts dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle al-hisab al-yasir. Personne ne voit quoi? Que personne ne voit avec le voile. Oui. C'est un voile. Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir cette entrevue ou cet entretien qu'il aura avec son serviteur dans lequel il le jugera pour que personne ne voit et que personne également n'entende. Le deuxième jugement, c'est ce qu'on appelle al-hisab al-asir. Où est-ce qu'on trouve cette parole? Où est-ce qu'on trouve la preuve qu'il y a un jugement qui sera difficile? Les Romains. Surat al-Rum. Là. Non. Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir. Quel est le verset? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui recevra son livre. Non, c'est pas. J'ai oublié en fait le verset. Comment aussi? Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. Ils diront: ce jour-là, لِلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Ce jour-là est difficile et il n'est pas facile pour les mécréants. Qu'est-ce que vous venez de comprendre ici? Nassim, t'as compris quoi? Le jugement, il va être difficile. Attends, c'est Nassim qui va répondre. C'est pas grave. Que le jugement va être difficile. C'est tout ce que tu as compris? Un jour difficile pour les mécréants, il ne sera pas facile. Pour les mécréants. Ibrahim, t'as compris, avec tes yeux ça se voit. Qu'est-ce que tu as compris? Barakallah fikum. Si Allah nous dit que ce jour est difficile et que pour les mécréants il n'est pas facile, on comprend qu'il sera facile pour ceux qui sont croyants. Donc maintenant on vient de comprendre qui sont ceux qui vont être jugés du jugement facile. Ce sont les croyants. Donc ça c'est la deuxième chose qui est de croire au jugement. D'accord. Il faut savoir que ces trois choses dans lesquelles on a l'obligation de croire: al-iman bil-ba'ath, al-iman bil-hisab, al-iman bil-jaza, la foi à la résurrection, la foi au jugement et la foi à la rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala samma yawm al-qiyama wa khassa yani khassa asma li hadhihi al-umur al-thalatha fa sammahu yawm yawm al-ba'th wa sammahu yawm al-hisab wa sammahu yawm ad-din bima'na yawm al-jaza. Donc dans ces trois choses-là, Allah Azza wa Jalla a donné un nom parmi les noms du jour du jugement dernier qui correspondent à ces choses-là. Quant au premier, le jour de la résurrection, Allah a appelé le jour dernier Yawm al-Ba'th, le jour de la résurrection. Le deuxième, le jour du jugement, Allah l'a appelé Yawm al-Hisab, le jour du jugement. Et le troisième, le jour de la rétribution, Maliki Yawmi Ad-Din, Yawm ad-Din, le jour de Ad-Din. Qu'est-ce que ça veut dire Ad-Din? De payer. Hein? C'est proche de ça. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire Ad-Din? Vous voyez que Ad-Din, des fois, ça veut dire l'islam, et là, ça veut dire la rétribution. De payer ce que t'as acquis, non? Hein? De payer ce que t'as acquis. Comme dans la langue arabe, al-huruf da, al-haf da, wa ya, wa noon, أصل يدل على الخضوع والذل ولذلك يقال الدين لأن من عليه الدين ذليل ويوم الدين لأن الناس يوم القيامة أذلاء وكذلك ماذا دين الإسلام لأن المسلمين يتذللون لله عز وجل. Donc le mot dain en arabe, da, yana, ces trois lettres-là, ont pour sens l'humiliation et le rabaissement. C'est pour ça que la dette en arabe a été appelée ad-dain. Parce que celui qui est endetté, il est tout le temps rabaissé devant celui à qui il doit de l'argent. De même que le jour du jugement dernier a été appelé yawm ad-din, parce que ce jour-là, les gens seront rabaissés devant la grandeur d'Allah. Et également, la din, qui est la religion d'Allah, a été appelé din, parce que les musulmans, lorsqu'ils se soumettent à Allah, ils se rabaissent devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose en laquelle on doit croire, concernant la foi au jour dernier, al-imanu bil-jaza. La troisième chose, c'est l'obligation de croire en la rétribution. La rétribution, c'est ce que la personne mérite, que ce soit le paradis ou l'enfer. C'est-à-dire maintenant, ce qu'on veut dire ici, croire au paradis et à l'enfer. Croire au paradis et à l'enfer. Le paradis a été préparé pour qui ? Hein ? Il a été préparé pour les gens qui sont pieux, ceux qui obéissent à Allah et suivent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfer a été préparé pour qui ? Il a été préparé pour... Il a été préparé pour qui ? Pour les mécréants. Allah Azza wa Jalla a dit « Fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin » Prémunissez-vous contre l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Est-ce que les gens qui entreront en enfer seront tous des mécréants ? Ou bien est-il possible qu'un croyant entre en enfer ? Possible d'en croire. Hein? Non. Hein? Non. Mu'min. Vous êtes sûr? Non. Rentre pas dans ça. Al-Muhim, un musulman, il peut entrer en enfer ou pas? Non, un musulman, il peut entrer en enfer. Est-ce qu'il va rester éternellement en enfer? Non. Il ne va pas rester éternellement en enfer. Tant qu'il a quoi? Tant qu'il a dans son qalb tawhidullah. Tant qu'il a dans le cœur l'unicité d'Allah et le sens de la ilaha illallah qui veut dire la ma'abouda bihaqtin illallah. Aucune divinité n'a le droit véritablement à l'adoration sauf Allah. Tant qu'il a ce sens-là et qu'il n'a pas associé Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera jamais en enfer éternellement. Et mes frères, il faut comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que tous les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait telle et telle chose entrera au paradis, et tous les hadiths où le prophète alayhi wa sallam dit celui qui fait telle et telle chose entrera en enfer, il faut savoir que beaucoup de gens pensent que puisqu'il a lu man salla al-bardayn dakhala al-jannah, celui qui prie le fajr al-asr entrera au paradis, en lisant ce hadith ils pensent que tout ceux qui va prier le Fajr et le Asr va entrer au paradis. Il meurt, il entre au paradis. Et il te dit, c'est le prophète alayhi sallam qui a dit ça. Naam, c'est le prophète alayhi sallam qui a dit ça. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam également qui t'a enseigné toutes les conditions et tout ce que ces hadiths veulent dire. Le même hadith d'une personne à une autre, il veut dire autre chose. Celui qui meurt et qui n'a pas commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas et qui s'est repenti de ses péchés, hein, donc il a demandé pardon à Allah pour ses péchés et il est mort sans avoir fait, ou bien en s'étant repenti de l'association, pour celui-là dakhala al-jannah ici veut dire entrera au paradis, veut dire il y entrera directement. Mais pour celui qui meurt qui a commis de l'association, ou pardon, pas de l'association, qui a commis des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah décidera. S'il veut, il le fait entrer directement au paradis. S'il veut, il le fait entrer d'abord en enfer pour qu'il paye ses péchés. Et après, il entrera au paradis. Alors, pour cette personne-là, le sens de ce hadith sera, il entrera au paradis après avoir payé ses péchés. Donc, ne pensez pas, lorsque vous voyez un hadith entrera au paradis, que ça veut dire directement la personne entrera au paradis. Et c'est pareil aussi pour harramahullahu ala nar, les hadiths on voit dans lesquels on voit que le prophète alayhi sallam a dit celui qui fait telle et telle chose parmi les bonnes actions, Allah l'interdira à l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour celui qui est mort, qui n'a pas fait d'association et qui s'est repenti de ses grands péchés et qui a demandé à Allah le pardon, celui-là, Allah lui interdit d'entrer en enfer. Pour celui qui meurt, qui a fait des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, celui-là, Allah l'interdit d'éterniser en enfer. Mais ça veut dire qu'il y entrera. D'accord ? Et ça, c'est prouvé par le Coran et la Sunna. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah dit dans ce verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne à part ça à qui il veut. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, celui qui a fait des péchés qui ne sont pas de l'association, il pardonnera à qui il veut parmi eux. C'est-à-dire ceux qui voudra pardonner directement, il les fera rentrer au paradis directement et leur pardonnera par sa miséricorde. Et ceux à qui il ne veut pas pardonner, il les fera d'abord rentrer en enfer pour qu'ils payent leurs péchés, et ensuite il les fera sortir de l'enfer pour qu'ils entrent au paradis. D'où l'importance d'apprendre pour comprendre ce que ton prophète alayhissalam a dit. Car ce n'est pas juste parce que tu comprends le mot que tu as compris le sens de cette parole. Et sans étudier et sans apprendre, tu ne peux pas comprendre ça. Donc tu es privé de ce qu'a voulu te dire le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la croyance au jour dernier se résume dans trois points: la croyance en la résurrection, la croyance au jugement et la croyance à la demeure finale qui est la rétribution, qu'elle soit le paradis ou l'enfer. Question numéro 104. As-su'al al-mi'a wa al-rabi'a. Hal ya'lamu ahadun mata takunu as-sa'a? Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que l'heure viendra? Non. Vous êtes sûr? Quand Jibril a.s. est venu pour apprendre la religion Sahaba, devenu sur une forme humaine, et il a posé la dernière question au professeur a.s. Il a dit: que sais-tu du jugement dernier? Il a dit: le questionné n'en sait pas plus que. Non. Le questionné n'en sait pas plus que le questionnaire. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que si le professeur Hussein ne le sait pas, qu'en est-il pour nous? Donc ça veut dire que personne, même pas Jibril, le sait. Personne sait quand est-ce que l'heure viendra. À part Allah. Vous en êtes sûr? Certain. Sûr. Oui, tu veux répondre? Oui, on sait que ce sera un vendredi. Non, ça c'est pas ça la question. Elle viendra quand? Quel vendredi? Il n'y a que Allah qui sait. Il faut être ferme dans la croyance. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Moi, je fais exprès de vous perturber comme ça pour voir si c'est une croyance vraiment ou bien si c'est pas une croyance ou bien il y a des doutes. On ne sait pas. Personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Al-Jawab, la réponse. Madi usa'ati min mafatih al-ghayb allati ista'thara Allah ta'ala bi'ilmiha kama qala ta'ala. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقوعها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها أي لا يعلم وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أي كيف تذكرها وأنت لا تعلمها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها، وزاد في رواية: خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية السابقة. La réponse à cette question, c'est que la venue de l'heure et le moment où l'heure viendra est une chose que seul Allah connaît. Personne d'autre qu'Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera, quand est-ce que l'heure aura la fin du monde et le jour dernier. Personne ne sait ça sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que ça fait partie des cinq choses principales qu'Allah Azza wa Jalla a caché et que personne d'autre que lui ne connaît. Et ces cinq choses ont été citées dans la sourate Luqman, dans le verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'a. Certes, Allah a auprès de lui la connaissance de l'heure. C'est-à-dire, Allah a gardé auprès de lui la science du temps où l'heure viendra. Deuxième, wa yunazzilul ghayth ay al-matar. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Allah Azza wa Jal sait quand la pluie descend, pourquoi elle descend, en quelle quantité, etc. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, ou bien dans les utérus, c'est-à-dire quand la femme elle est enceinte, à partir du moment où la conception elle commence, Allah il sait si c'est un garçon ou une fille, s'il va être malade, s'il va être faible, s'il va être intelligent, s'il va réussir, etc. La quatrième chose, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne connaît ce qu'elle va acquérir demain, ce que tu vas faire comme action demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Ici, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ. Il y a cinq choses que seul Allah connaît, c'est-à-dire des choses qu'Allah a cachées auprès de lui. Cinq choses. Et c'est les cinq choses qu'on vient de citer. Mais est-ce qu'Allah Azzawajal connaît que ça parmi les choses qu'il a gardées auprès de lui, ou bien y a-t-il d'autres choses qu'Allah a gardées auprès de lui? Il y a d'autres choses. Pourquoi ces choses-là ont été appelées mafatih al-ghaib, les clés de l'invisible? Le prophète alayhi salam a appelé ces cinq choses-là du verset ici les clés de l'invisible. Quand est-ce que l'heure viendra? Quand est-ce que la pluie tombe? Ce qu'il y a dans les ventres des mères? Qu'est-ce que la personne va faire demain? Et où la personne va mourir? Parce que si on médite dans ces cinq choses-là, on va voir que de ces cinq choses-là découle tout ce qui se passe. Allah Azza wa Jal, c'est le seul à savoir quand est-ce que telle personne va naître et quand est-ce que une autre personne va mourir. C'est la seule personne, c'est Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui sait quand est-ce que telle végétation va pousser et telle végétation ne va pas pousser. Et cela est le résultat de la tombée de la pluie. Donc quand Allah Azza wa Jal est le seul à connaître quand la pluie tombe, il est le seul à connaître ce qui va résulter de la tombée de cette pluie qui est la vie qui va arriver. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain, donc Allah Azza wa Jal sait ce que tout le monde va faire demain. Et c'est pour ça qu'on appelle ces cinq choses-là les clés de l'invisible. Parce que de ces cinq choses-là découle tout ce qui se passe, les choses relatives à l'invisible. Et Allah Azza wa Jal a dit dans l'autre verset, Al-A'raf, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand est-ce qu'elle viendra? Allah parle de qui ici? De Quraysh. Il parle de Quraysh qui dit au prophète alayhi wa sallam, quand est-ce que l'heure viendra? Et nous, on vient de dire qu'il ne croit pas à l'heure. Pourquoi alors ils disent au prophète alayhi wa sallam, Matassa'a? Pour voir s'il est connu, non? Pour se moquer. Détail. Quoi? Pour se moquer. Voilà, les deux questions, les deux réponses, vous les rassembler. Pour se moquer, ils lui ont dit quand est-ce que l'heure viendra? C'est une sorte de moquerie. Parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un, tu vas faire telle et telle chose, et il te dit, ah bon, et quand? Mais il te dit ça sur un ton moqueur. Et c'est ce que le peuple de Quraysh a fait. Ils ont dit au prophète alayhi salam, quand est-ce que l'heure viendra? Allah Azza wa Jal a dit au prophète alayhi salam, dit, la connaissance de l'heure n'est qu'auprès de mon Seigneur. C'est-à-dire, seul Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera. Quand est-ce que l'heure arrivera? Ensuite, il dit, cette chose est lourde dans les cieux et la terre. C'est-à-dire, l'heure, lorsque le jugement arrivera, c'est une chose lourde qui arrivera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra que subitement. Elle ne viendra que subitement. À un point où le prophète, alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith qui nous est rapporté par Muslim, selon Abu Huraira, ça c'est pour nous montrer comment l'heure va venir subitement. Ou plutôt, dans ce hadith, le prophète, alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous dit, l'heure va arriver tellement rapidement que les gens ils seront au marché. C'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ils seront au marché pour vendre. Il va prendre un vêtement pour l'acheter. Il n'aura même pas le temps de le reposer que l'heure arrivera. Un autre va vouloir sortir le lait. Traire. Va vouloir traire. Et quand il va sortir le lait de sa chamelle, il va prendre pour boire. Il n'aura même pas le temps de le boire que l'heure arrivera. Et il nous a cité beaucoup de choses qui nous montrent qu'elle va arriver subitement et rapidement. elle va arriver très rapidement. Tayyib. Maintenant, on voit aussi dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam, il t'interroge au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle viendra? Mais comment pourrais-tu le dire? Le sens du verset, c'est qui es-tu donc pour dire ça? Comment peux-tu leur parler de ça? C'est-à-dire, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas. Allah ne t'a pas informé de la date du jour du jugement dernier. Et dans le hadith, le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a été interrogé par Jibril, qui lui a dit quand est-ce que leur viendra, il a répondu, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire, toi qui m'as posé la question, ou plutôt moi à qui tu as posé la question, je n'en sais pas plus que toi. Et donc on voit ici que même Jibril, il ne sait pas quand l'heure arrivera. La question 105. As-su'al al-mi'a wal-khamis. ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ On a vu qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que l'heure viendra. Mais par contre, on peut savoir une chose. Quelle est-elle? On a des signes. Ces signes nous montrent que l'heure approche. L'heure, on ne la connaît pas. Mais on voit des signes qui nous montrent qu'elle approche. Et c'est pour ça qu'il nous a apporté immédiatement cette question dans laquelle il nous dit donne-moi des exemples ou bien citer des exemples des signes de l'heure qui nous sont mentionnés dans le Coran. Et la réponse est al-jawab mithlu qawlihi ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset de Sourate Al-An'am, mais qu'attend-il si ce n'est que les anges arrivent, ou bien que ton Seigneur arrive, ou bien que ne viennent certains signes de ton Seigneur? Allah ici menace le peuple qui mécroit, le peuple de Quraysh et les gens, tous les gens qui leur ressembleront. Allah dit, mais qu'attend-il? Est-ce qu'ils attendent que les anges arrivent, ou bien que ton Seigneur arrive, ou que certains signes de ton Seigneur arrivent? Et les signes desquels Allah parle ici, c'est Amarat al-Sa'a, les signes qui nous montrent l'arrivée de l'heure, qui nous montrent l'arrivée de l'heure. Pourquoi il nous dit ça? Allah viendra, les anges viendront, car nous on sait que Allah a dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges en rang. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala viendra ainsi que les anges afin que le jugement commence. Et ici, il leur dit, vous ne croyez pas, mais qu'attendez-vous? Qu'Allah vienne, que les anges viennent pour que le jugement commence, pour croire, ou bien que viennent certains signes de ton Seigneur? Et là, il dit, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, à ce moment-là, la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité. C'est-à-dire la personne qui veut maintenant avoir la foi, qui veut y croire, c'est trop tard. Il dit à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque les signes de ton Seigneur viendront, eh bien, la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité si elle n'a pas eu la foi avant, si cette personne n'a pas eu la foi avant, ou bien n'a pas fait de bonnes actions. Dit, attendez, nous aussi nous attendons. C'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Alaykum salam. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque la parole se réalisera contre eux, c'est-à-dire Allah azza wa jalla a décidé quand l'heure viendra, lorsque l'heure viendra et que la parole d'Allah s'appliquera, à savoir qu'Allah décidera que l'heure arrive, lorsque l'heure arrivera et que la parole d'Allah se concrétisera, Allah va faire sortir une bête de la terre qui parlera aux gens. Allah va faire sortir une bête de la terre, cette bête parlera aux gens et leur dira, vous n'étiez pas certains du jugement. ou de vous n'étiez pas certain de toutes ces choses-là, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les signes de la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de la terre une bête. Il fera sortir de la terre une bête qui s'adressera aux gens pour leur rappeler qu'ils étaient égarés. Des hadiths sont venus nous décrire cette bête, mais les hadiths qui sont venus nous décrire cette bête ne sont pas authentiques. Donc il n'y a rien d'authentique quant à la description de cette bête, comment elle sera. Mais ce que nous tirons, c'est qu'une bête sortira avant la fin des temps pour dire aux gens qu'ils étaient égarés, que cette bête sortira de la terre et elle leur parlera en une langue qu'ils vont comprendre. Wa qawluhu ta'ala hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, jusqu'à ce que la porte ou bien sera ouverte à Ya'juj et Ma'juj, et qu'ils déferleront jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les signes de la fin des temps, Ya'juj et Ma'juj. De quoi il parle ici? Qui sont Ya'juj et Ma'juj? Peuple, Gog et Magog. Hein? Deux peuples. Deux peuples de quoi? Dis. Dis, t'es excusé, c'est propre. Là, ce que je voulais que tu me dises, c'est deux peuples d'humains. Ce sont des êtres humains. Et sachez qu'il y a des savants qui disent que c'est des Chinois, les Ya'juj et Ma'juj. Mais nous, on ne va pas rentrer dans savoir d'où ils viendront. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que c'est des humains. C'est des humains, c'est une tribu qui a été enfermée par Allah avec le sabab de Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, qui est mentionné dans Surat Al-Kahf. Ils sont enfermés en dessous de la terre. Et lorsqu'ils sortiront, ils vont déferler de chaque hauteur, de chaque colline, de chaque sommet. Et ils vont semer la trouble et la corruption sur terre. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal décidera de les faire disparaître. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Et s'il vous plaît, on ne parle pas quand je parle. Wa qawluhu ta'ala, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, attends donc lorsqu'il viendra du ciel une fumée évidente ou une fumée claire. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala amènera une énorme fumée qui sera dans le ciel. Une énorme fumée qui sera dans le ciel. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car certes le tremblement de l'heure est une chose immense. Ici, de quoi il nous parle? Il nous parle de quoi, Allah Azza wa Jalla? Que avant l'heure, la terre entière va trembler. On dit bien la terre entière, parce qu'il fait partie des signes de l'heure qu'il y aura de plus en plus de tremblements de terre, mais dans des parties de la terre. Mais le plus grand signe, et ça fait partie des grands signes, c'est que la terre tout entière va trembler. Allahu Akbar. La terre tout entière va trembler. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible. À un point où Allah a réservé une sourate pour ce tremblement. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Lorsque la terre tremblera. Donc c'est un des plus grands signes aussi de la fin des temps. On vient de voir dans le premier verset qu'on a cité qu'Allah Azza wa Jalla a dit, lorsque certains signes de ton Seigneur viendront, je vais lire la traduction directement, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance, qui n'avait pas fait de bonnes actions. Allah Azza wa Jal ici nous dit, lorsque viendront certains signes de ton Seigneur. De quels signes il parle? La réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at min maghribiha آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le prophète alayhi dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de l'endroit où habituellement il se couche. Donc le soleil va se lever de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'Allah n'acceptera plus la tawbah. Il n'acceptera le repentir de personne ce jour-là. Et Allah, le prophète alayhi salam nous dit que l'heure ne viendra pas tant que ce signe n'arrivera pas. Et à ce moment-là, et là il a récité les versets dans lesquels Allah dit, et lorsque certains signes de ton Seigneur viendront, eh bien ce jour-là, la foi ne sera plus d'aucune utilité. Donc on voit de quel signe Allah nous parle dans ce verset. La question 106. سؤال المئة والسادس ما مثال. Avant de rentrer dans la question 106, pourquoi Allah, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut tirer dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous enseigne pas pourquoi l'heure arrivera, ne nous enseigne pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, on ne sait pas c'est quand, comme Laylatul Qadr, on ne sait pas c'est quand exactement. Comme une nuit, le prophète alayhi salam nous dit dans le cantique de Muslim, il nous dit Ratul ina wa awkus siqa fa inna fi sanati laylatan alaykum salam yanzilu fiha waba la yamurru ala ina'in laysa alayhi ghita wa la siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min dhalika alwaba. Rawahu Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Il nous dit couvrez les récipients et fermez les assiettes. Couvrez les récipients et fermez les assiettes. Car il y a dans l'année une nuit dans laquelle des maladies descendent. Ces maladies qui descendent ne laissent aucune assiette ou récipient ouvert sans se mettre dedans. Et donc le prophète alayhi salam nous montre un edeb par rapport aux plats, c'est de les couvrir, de les laisser tout le temps couverts. Quand tu as fini de manger, tu le couvres. Tu fais pas comme la plupart des gens, tu poses l'assiette comme ça. Non, tu couvres. Pourquoi le prophète alayhi salam ne nous a pas dit quand est-ce que cette nuit arrivera? Pourquoi on ne sait pas quand le jour du jugement dernier arrive? Pourquoi on ne sait pas quand on va mourir? Pourquoi on ne sait pas quand a lieu exactement Laylatul Qadr? Pourquoi on ne sait pas? Le prophète alayhi salam nous dit qu'il y a dans la journée une heure où Allah exauce les invocations. Dans la nuit, une heure où Allah nous exauce les invocations. Tout ça pour nous montrer que ces choses dont on ne connaît pas le temps ou quand est-ce qu'elles arriveront sont des choses immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous dit pas quand est-ce que l'heure arrivera, tellement cette chose est immense. Et il ne nous a pas dit non plus quand est-ce que cette nuit arrivera dans laquelle il y a les maladies, pour nous dire que dans cette nuit-là, il y a des maladies terribles qui peuvent descendre. Donc quand Allah Azza wa Jalla ne nous informe pas d'une chose, c'est parce que cette chose, elle est immense. La question 106, ما مثال أمارات الساعة من السنة. Des exemples de signes de la fin des temps dans la sunna, c'est-à-dire dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Jawab, la réponse, مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها, comme les hadiths qui nous montrent que le soleil se lèvera de son couchant. وأحاديث الدابة, et les hadiths qui nous parlent de la bête qui sortira de la terre. وأحاديث الفتن, وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم, et les hadiths qui nous parlent de tous les troubles qui arriveront avant l'heure, comme le Dajjal. C'est le malahim, mais j'ai oublié ce que c'est le malahim. Le signe de Jésus. Hein? Le malahim, c'est des grandes batailles. C'est des grandes batailles et comment on appelle ça? Où il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. Donc ça fait partie des signes de la fin de l'heure et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hadiths, ils nous oulent Isa. Et les hadiths qui nous parlent de Isa qui redescendra sur terre. وخروج يأجوج ومأجوج إلى سقط يأجوج ومأجوج وحديث الدخان, les hadiths qui nous parlent de la fumée qui sortira avant l'arrivée de l'heure. وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة et les hadiths qui nous parlent du vent qui récupérera le vent viendra prendre tous les âmes croyantes. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. Le hadith est rapporté par Muslim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah va envoyer un vent, c'est-à-dire avant l'heure, il va envoyer un vent qui viendra du Yémen et qui sera plus doux que la soie. Ce vent-là ne laissera pas un croyant sans le prendre avec lui. Et pourquoi Allah va envoyer un vent ? Pour reprendre les croyants avant l'arrivée de l'heure. Pourquoi ? Pour les préserver. Pour les préserver de quoi ? On va descendre, ça va être sur la pierre. Pour les préserver du châtiment. De quel châtiment ? De l'heure. Du châtiment qui va avoir dans ce bas monde, le dernier. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit La taqoumu sa'a illa ala shirar al khalq, ou comme a dit alayhi salatu wasalam. L'heure n'arrivera que sur les pires gens. C'est-à-dire que quand l'heure arrivera, les gens qui seront vivants sont les pires des créatures, les pires des mécréants. Et Allah Azza wa Jal, il va enlever les croyants avant de les châtier ces gens-là, avant que l'heure n'arrive. Wa hadith an-nar allati tadhhar. Également des hadiths nous parlent d'un feu énorme qui arrivera. Il y a deux hadiths qui sont rapportés par Muslim qui nous parlent de deux feux différents. Quant au premier, l'imam al-Bukhari nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum salam la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ard al-Hijaz fa tudhi'u a'naq al-ibli bi busra. Le prophète alayhi wa sallam nous dit l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que va sortir de la terre du Hijaz, c'est vers la ville de Médine, un feu tellement énorme qu'on va voir le reflet des flammes dans les coups des chamelles qui se trouvent à Bousra. Et Bousra, c'est dans le Chiam, c'est vers la Palestine et vers la Syrie. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit que ce feu est arrivé en l'an 700 de l'Hégire. En l'an 700 de l'Hégire, il y a un énorme volcan qui a éclaté, et le feu, il était tellement fort qu'on voyait le reflet des flammes et la couleur du vif du feu sur les chamelles qui se trouvaient dans le chêne. Ça, c'est le premier signe, et il est arrivé en l'an 700. Quant au deuxième signe, c'est un feu qui sortira de la ville de Aden au Yémen, et ce feu là va pousser les gens et va tous les rassembler à l'endroit où ils seront jugés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Et parmi les derniers signes, un feu immense qui sortira du Yémen. Et dans un autre hadith, il nous dit de la ville de Aden, c'est une ville connue au Yémen. Il sortira de cette ville-là et il va se déplacer. Il va pousser les gens jusqu'à l'endroit où ils seront jugés. Et ce feu-là, bien sûr, n'est pas encore arrivé. وحديث الخسوف وغيرها. Et les hadiths qui nous parlent de Al-Khasf, c'est l'engloutissement sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa thalathatu khusuf, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arab. À la fin de temps, il y aura trois engloutissements. Un qui viendra dans l'Orient, un dans l'Occident et un dans la péninsule arabique. Et c'est des gens, ils seront en train de marcher et ils vont tous être engloutis sous la terre. Tout ce qui se trouvera sur la terre, va passer en dessous de la terre, et ça fait partie des signes de l'heure. Donc voici quelques signes parmi tant d'autres qui ont été mentionnés par le prophète alayhi salatu wassalam. La question 107. Maintenant, il va nous parler d'autre chose. Il va nous parler de la mort et de tout ce qui se passe après la mort. Il nous dit fi su'al al-mi'ati wa as-sabi' ma dalil al-iman bil maut. Quelle est la preuve que nous devons croire en la mort? Alhamdulillah, c'est une chose qui est sûre et qui est certaine. Et même les kuffars et les mécréants, les mouchrikoun, les associateurs, les athées et tout le monde, ils croient tous à la mort. à un point où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ أَيْ بِمُبَاعِدِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ لَا يُبْعِدُهُ مِنَ الْعَذَابِ وَلَوْ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, l'un d'entre eux aimerait que sa vie soit prolongée pour 1000 ans, et même si elle était prolongée de 1000 ans, il ne serait pas écarté du feu, il ne serait pas écarté du feu, il ne serait pas écarté du châtiment. Donc on voit que tout le monde croit à la mort. Ces gens-là, ils ont couru derrière ce bas monde, ils ont couru, ils ont cru qu'ils ont été créés pour cette dunya. Quand la mort se rapproche d'eux, ils aimeraient trouver la solution avec laquelle ils vont payer 1000 ans de leur vie. Est-ce que vous pensez que déjà ils vont les avoir, ces 1000 ans? Ils ne vont pas les avoir. Et même s'ils les avaient, est-ce qu'ils vont éviter la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ne vont pas éviter la punition d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Akthiru min dhikri hadi min ladhat. Rappelez-vous constamment celui qui détruit les plaisirs. En nous parlant de quoi ici? Al-maut. En nous parlant de la mort. Donc le musulman doit se rappeler de la mort tout le temps. Mais il ne doit pas se rappeler de la mort juste parce que c'est pour passer son temps. Il doit se rappeler de la mort pour le pousser à obéir à Allah, pour le pousser à avancer dans sa religion, pour le pousser à s'instruire dans sa religion, pour le pousser à faire le repentir, à demander à Allah pardon. On ne pense pas à la mort juste pour passer le temps comme ça. On passe à la mort pour prendre des décisions, pour tirer des leçons. Tous les gens qui sont morts à ta droite et à ta gauche, est-ce que pour toi ça a été une leçon? Ou bien tu fais comme tous ces gens qui viennent enterrer des gens, et pendant même qu'ils sont en train d'enterrer, ils rigolent, ou bien ils fument, ou bien ils discutent de dunya. Donc le musulman, il doit se rappeler de la mort, parce que personne ne va la fuir. Alaykoum salam. Ma dalilul iman bil maut. Les preuves qu'on doit croire en la mort. Al-Jawab. Qala Allah ta'ala, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Allah nous dit dans ce verset, dit, vous fera mourir l'ange de la mort qui a été chargé de vous, puis vous serez ramené, ou plutôt vers votre Seigneur vous serez ramené. Donc tu ne peux pas fuir la mort. Et Allah dit dans l'autre verset, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ. Dit, certes la mort que vous fuyez, vous allez la rencontrer. Et Allah a dit, أَيْنَمَا تَكُنُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours imprenables, des tours immenses, des tours immenses. وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et Allah Azza wa Jalla a dit, chaque âme goûtera à la mort et vous nous serez pleinement rétribués pour vos récompenses, pour vos bonnes actions, que le jour de la résurrection. Donc Allah nous dit ici que la mort a un goût. Allah a dit, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa lam yaqul alaykum salam kullu nafsin mayyita dha'iqatul maut li anna lil mauti ta'man. Allah nous enseigne dans ce verset que la mort a un goût. Et le prophète alayhi nous a expliqué ça quand il a dit la ilaha illallah inna lil maut ila sakarat. La ilaha illallah, certes la mort a ses affres. Si le prophète alayhi lui-même a goûté aux affres de la mort, alors qui va les éviter? Qui va les éviter? Wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et Allah dit à son prophète, alayhi salam, certes tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Wa qala ta'ala, wa ma ja'alna li bashari min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun. Allah dit à son prophète, alayhi salam, et nous n'avons pas donné l'éternité à un homme avant toi. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester éternellement? Et dans l'autre verset, Allah azza wa jalla dit, kullu man 'alayha fan. وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Allah nous dit ici, tout ce qui se trouve sur elle, c'est-à-dire sur la terre, est voué à disparaître. Seul subsistera la face ou le visage de ton Seigneur, plein de majesté, سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون. رواه مسلم. Donc Allah nous a aussi dit: chaque chose va disparaître sauf son visage, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans un autre verset: et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les djinns et les hommes, eux, vont mourir. Dans un hadith que nous rapporte Muslim. Wa ghayru dhalika min al-ayat. Et bien d'autres versets encore. Wa fihi min al-ahadith ma la yuhsa. Wal amru mushahadun la yajhaluhu ahadun. Wa laysa fihi shakkun wa la taraddud. ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا قال تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Il nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, que les hadiths qui nous parlent de la mort, on ne peut même pas les compter tellement ils sont nombreux. Et c'est une chose que personne n'ignore. La mort est une chose que personne n'ignore, au sujet de laquelle il n'y a aucun doute ni hésitation. Mais des gens sont entêtés et orgueilleux, ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort. Ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort et qui par leur orgueil font semblant qu'ils vont vivre 1000, 2000 et 8000 ans. Donc ces gens-là, ils savent très bien qu'ils vont mourir, mais ils ne veulent pas parler de la mort, parce que pour eux la mort c'est la fin, il n'y a plus rien après. Et le mot fin chez eux, ça leur fait trop mal, ils ne peuvent pas supporter ce mot. Alors que nous les croyants, grâce à Allah, on sait que la mort c'est le début, ce n'est pas la fin. La mort c'est le début. C'est le début d'une longue route vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le croyant qui veut entrer au paradis, la seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis, c'est qu'il reste encore dans ce bas monde. Le croyant qui veut être récompensé par Allah, la seule chose qui l'empêche de recevoir la récompense d'Allah, c'est qu'il est encore vivant. Donc en vérité, le croyant, il ne se préoccupe pas de la mort en elle-même. Mais la chose sur laquelle il est préoccupé, c'est comment il va mourir. Les gens, quand ils parlent de la mort, ils parlent de la mort en elle-même. Ils sont effrayés par la mort. Ils ont peur de la mort. Ce n'est pas de ça que tu dois avoir peur, parce qu'il n'y a personne qui va éviter la mort. La chose que tu dois craindre et que tu dois appréhender, c'est l'état dans lequel tu seras. Al-hal allati anta takunu fiha wa 'alayha idha mit. Lorsque tu vas mourir, dans quel état tu seras et comment tu vas rencontrer Allah. Et c'est pour ça que le prophète عليه السلام a dit: لا تعجبوا بعمل عامل أي بعمل صالح بعمل صالح عمله أحد من الناس لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. Il nous dit: ne soyez pas étonnés par la bonne action que quelqu'un a fait jusqu'à ce que vous voyez sur quoi cette personne va mourir. Donc on voit ici que ce qui compte, c'est comment tu vas mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit: وإنما الأعمال بالخواتيم alayhi salatu wassalam, que les derniers actes et les dernières actions que tu feras avant la mort sont ceux desquels va dépendre ta destination finale. Donc regarde, toi tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, c'est pour ça que tu dois avancer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne dois pas avancer comme bon te semble, tu dois avancer en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna. Tu dois avancer, premièrement, en t'instruisant, en apprenant ce qu'Allah demande de toi, en apprenant ce que le prophète a.s. demande de toi, et en cherchant à comprendre et à mettre en pratique cette chose-là comme Allah subhanahu wa ta'ala te le demande. Allah a dit dans le Coran: وَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Il dit à son prophète a.s. de se mettre droit comme Allah lui a ordonné. Il ne lui a pas dit de se mettre droit comme lui il veut. Mets-toi droit comme Allah te l'ordonne. Et si tu n'apprends pas cette chose-là, il se peut que tu fasses une chose dans laquelle tu penses être droit alors que tu ne l'es pas, d'où l'importance de s'instruire dans la religion d'Allah. Oui. C'est un hadith sahih à propos de. Il dit qu'Allah Azza wa Jal fera ressusciter la personne telle qu'elle est morte, de la façon qu'elle est morte. C'est un hadith, il est rapporté par Moussin, le prophète alayhi salam, il dit Yub'athul mar'u ala ma mata alayh. La personne sera ressuscitée par Allah dans la situation dans laquelle elle est morte. Donc il nous dit aussi que seuls les serviteurs d'Allah sincères sont ceux qui font les actions qu'implique la croyance au jour dernier, la croyance à la mort. Le fait que tu crois à la mort doit te pousser à faire des actions. Ce n'est pas juste une information. Cette information a pour but de te pousser à obéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. Et il dit, nous croyons également que toute personne qui meurt par quelconque cause, peu importe la cause par laquelle elle est morte, cela fait partie de la destinée d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne est tuée ou bien assassinée. C'est-à-dire, il veut t'enseigner ici que la date de ta mort, elle est écrite par Allah. Donc lorsque quelqu'un est mort par une cause comme le meurtre, quelqu'un qui s'est fait tuer, assassiné, tu ne dois pas dire que cette personne lui a l'assassin lui a raccourci sa vie ou bien a empêché à cette personne de continuer sa vie. Pourquoi? Parce qu'Allah a décidé que cette personne elle meurt à ce moment-là. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on croit que au moment, la situation, l'heure, la façon avec laquelle on mourra, c'est ce qui a été décidé par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset, chacun poursuit sa course vers un terme fixé. Chacun fait sa vie jusqu'à ce que vienne son heure, l'heure pour lui de quitter ce monde et de mourir. Et dans l'autre verset, Allah a dit que lorsque le terme viendra à eux, lorsque la date de leur mort viendra, ils ne pourront ni l'avancer ni le reculer d'un seul instant. Quand la date de ta mort arrivera, tu ne pourras plus la repousser. Tu ne pourras plus la repousser. Et c'est la dernière chose sur laquelle on termine le dars d'aujourd'hui. Et on continuera samedi prochain, inshallah. Nas'alallaha azza wa jal an yufaqihana fi d-din wa an yaghfira lana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.